y en a des tas. Et il y en a des qu'on ne comprend pas. Des mots, oui, des mots, il y en a des tas. Et il y en a des cons. Des gens, oui, des gens, il y en a des tas. Et il y en a des qu'on ne comprend pas. Des gens, oui, des gens, il y en a des tas. Ça veut dire quoi, il faut en garde? C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça?